gardez les coups, car bon vibes, metal sound vient tout porter. Yes, Fatala, l'éclat dédicacé par une jolie jeune fille. Donc à vivre non au sud, à l'est, à l'ouest, pays en latéa. Deux séances de joie appréciées, que ne pas j'en regretter. Vino radical, car quand c'est pour chanter, duel ou official. Duo, duo, simplicité qui fait moi toujours apprécier. C'est quand les tiens qui fait pour moi bien chanter. C'est pas pièce blague, mais jeune fille ou douce ou douce ou douce. Peux pas passer moins vite tout au long de l'année. Ou tellement douce ou douce ou douce. En vérité, yépéo. Jeune férodose, non si que c'est Damien, jeune témoin, ça vaut douce. Si vous êtes connel, jeune témoin, ça vaut douce. Fait pas des necks citronnel, jeune témoin, ça vaut douce. C'est toi le filet dans ciel, jeune fait haut, vraiment douce. A vos mains qu'à penser, à vos mains qu'à rêver, quel que soit la main y allait. Vos manets pour songer, vous m'appelez ton cher, vous m'appelez caresser. Pour pièce calpe d'autres, femmes, madame, moi pas qu'à garder. Celle ma rouge, jeune fait madame, pour faire moi vibrer. Et pas sous douce, yes, sous douce, yes, sous douce. Yes, sous douce, jeune férodose. Passer moins vite tout au long de l'année. Tellement douce ou douce ou douce. En vérité, yépée. Vous m'avez senti comme simplicité qui fait moi toujours apprécier. Grand et chère qui fait pour vous moi bien chanter. Jeune fille ou douce ou douce ou douce. Mais pas passer moins vite tout au long de l'année. Tellement douce ou douce ou douce. En vérité, jeune férodose, quand c'est pour tuer de manger, jeune fait moins, ça vaut douce. Linge à laver, jeune fait moins, ça vaut douce. Enfant à élever, jeune fait haut, vraiment douce. Pour la fidélité, jeune fait haut, vraiment douce. Quand c'est pour honorer, jeune fait moins, ça vaut douce. Mais si elle avait changé métier, tellement jeune férodose, le nom à la vieux, on a tenté. Parce que jeune férodose, yes, sous douce, yes, sous douce, yes, sous douce, yes, sous douce. Au soin de la main, vine couronnée, sois princesse, moi, moi, qu'est point sous, jeune fille ou douce. Pas passer moins vite tout au long de l'année. Tellement douce ou douce ou douce. En vérité, yépée. Pas fait moi senti comme simplicité qui fait moi toujours apprécier. C'est quand les tiens qui fait pour vous moi bien chanter. Jeune fille ou douce ou douce ou douce. Peux pas passer moins vite. Baby girl, ou tellement douce ou douce ou douce. En vérité, jeune férodose, rappelle les mots, jeune faisceau, ça vaut douce. Voyez comment t'es, jeune faisceau, ça vaut douce. Baissez pas pour les wo, jeune faisceau, ça vaut douce. Exprimez corps, jeune faisceau, ça vaut douce. La tête a tremblé, mon effrayé, y'en bas sous course. Mais l'amour en tout, m'a valé pour éprouver pièce pousse. Dans la difficulté, pas jamais chez Wassous. Oui, do bout, quand on lionne dans la bourse. L'enfer y appelé, moi, m'a pour vivre, y'a pas de course. Quand c'est pour aimer, moi, pas né pour les pousses. Car l'amour, quand on est dans ton jeune fille, contre le sauce. Yes, ou douce. Yes ou douce, yes ou douce, yes ou douce, jeune férodose. Douce ou douce ou douce, peux pas passer moins vite. Tout au long de l'année. Ou tellement douce ou douce ou douce, en vérité, yépée. Santé comme simplicité, oh, qui fait moi toujours apprécier. Oh. C'est quand les tiens, oh, qui fait pour vous moi bien chanter. Jeune fille ou douce ou douce ou douce, peux pas passer moins vite. Pas pièce black man. Tellement douce ou douce, quel que soit sa monde, non pas ni y'a y'en a faute, non n'est pas payé, ça m'a dit. En quoi, pour tout que c'est Jack qui a guidé nous, m'a dit. Moi, ça me sur la route, non n'est pour être ensemble. M'a dit, goût, quand côté, pas sous douce, yes, sous douce, yes, sous douce. Yes, sous douce, douce, douce, douce, douce, douce, douce. Yes, sous douce, yes, sous douce, yes, sous douce. Yes, sous douce, douce, douce, douce, douce, douce. Yes, sous douce, yes, sous douce, yes, sous douce. Yes, sous douce, douce, douce, douce, douce.